Vous écoutez News FM. News FM. Nouvelle heure. Il est 18h. 101.2. News FM. Eh oui, c'est exact, il est 18h, tout pile sur les ondes du 101.2. Et je suis très heureux de prendre l'antenne pour vous retrouver pour votre nouvelle chronique. Je suis en compagnie de Coco et Lolo, les créatrices, du guide Grenoble Foodie et influenceuses Instagram. Et elles sont ici pour une toute nouvelle chronique, vous l'aurez compris, on va parler de food. Comment vous allez ? Très bien, merci. Et coucou. Le jingle de Lolo. Le jingle, voilà, on pourra s'en servir, hein, ça se trouve. Ah, celui-là, il sera là à chaque fois. On compte sur toi. Bon, vous êtes là pour une nouvelle chronique et je vous laisse un petit peu nous expliquer en quoi ça va consister. Et bien, du coup, on est Coco et Lolo, donc alias ça sur les réseaux sociaux, sinon on s'appelle Coralie et Laura. On est influenceuse Instagram, donc on a nos comptes personnels. Moi, c'est Coralie Rodriguez tiré du bas. Lolo, c'est LAU4L. Voilà, LLLLL. Et on partage en fait nos bons plans sur Grenoble. Et après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un gros compte qui s'appelle Grenoble Foodie, un compte en commun, où du coup, on partage vraiment nos petites adresses, nos adresses food, et on fait que manger, on teste plein d'adresses food à Grenoble. Tous les bons plans de l'agglo. Exactement, c'est ça, on partage vraiment tous les jours sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, nos meilleures adresses. Et je crois même que vous aviez un petit jeu concours sur votre compte Instagram. Oui, c'est ça. En fait, le concept, c'est que du coup, on partage nos adresses, mais en même temps, on fait gagner notre petite communauté qui nous suit pour les remercier. Et donc là, d'ailleurs, il y a un concours cette semaine. On fait gagner un brunch pour deux. Donc, si vous voulez jouer, c'est sur notre compte Grenoble Foodie sur Instagram. Et voilà, tirage au sort dimanche, du coup. Donc, vous avez encore le temps. Alors, Grenoble Foodie. J'en ai entendu parler, on en a tous entendu parler, mais est-ce que moi vous pouvez me raconter un petit peu d'où ça vient, l'histoire un petit peu de Grenoble Foodie ? Eh bien du coup on a invité quelqu'un pour ça, donc elle va raconter un petit peu l'histoire et c'est vraiment grâce à elle. En fait Grenoble Foodie ça a été créé en juin l'année dernière, donc on s'est rencontré avec Lolo il y a 2 ans grâce à Amélie qui est ici présente qui va vous en dire un petit peu plus. On va y venir. Et donc voilà, on y viendra un petit peu plus tard, suspense. Et est-ce que donc certaines personnes si elles veulent réagir avec nous en direct, est-ce qu'elles peuvent? Eh ben, elles peuvent nous écrire directement sur l'Insta Grenoble Foodie en MP. Normalement, je vois tous les messages. Normalement. Et on a hâte. Il y en a déjà, on sait que vous ne pouvez pas nous écouter. On vous donnera le replay, il n'y a pas de souci. Et j'y pense aussi, certaines personnes nous ont fait la remarque que sur Internet, eh bien, on a du mal à nous écouter. Alors voilà, si vous nous écoutez sur Google Chrome, eh bien, sachez que ça a tendance à moins marcher. Donc rendez-vous sur le navigateur Mozilla Firefox. Voilà, je fais des petits placements de produits. bah, bravo. Mais voilà, rendez-vous sur Mozilla Firefox pour nous écouter. Au moins là, on est sûr que ça ne buggera pas. Et donc, j'ouvre le micro à Amélie qui est avec nous. Et racontez-nous coucou un petit peu. Salut. Alors donc Amélie va nous raconter, d'après ce que j'ai compris, l'histoire de Grenoble Foodie. Voilà, du coup la rencontre avec les filles surtout, c'est ça qui est intéressant. Donc Anatole et moi, donc on est un jeune couple qui avons fait nos études ensemble, on est venu s'installer à Grenoble, etc. Et on a pris l'initiative d'ouvrir notre restaurant en décembre 2017, tous les deux. Donc on a fait un fast-food argentin. Donc c'est vraiment notre petit bébé avec des empanadas. C'est le fast-food le plus répandu en Argentine parce que je suis d'origine argentine. Donc en fait, on a vraiment voulu partager notre cuisine, nos idées et cette culture qu'on ne retrouve pas énormément à Grenoble. Et pour développer le resto, on s'est dit, autant faire... On est jeune, hein. Donc voilà, j'ai 23 ans, Anatole a 25 ans. Ouais, donc, il faut. Niveau communication, on sait que les réseaux sociaux, ça se développait pas mal. Sur Paris, il y avait énormément de restos qui fonctionnaient avec ça. Donc, on s'est dit, on va se la jouer à la parisienne un peu. Et j'ai contacté les filles via les réseaux sociaux. Donc, on s'est rencontrées toutes les trois en décembre 2017. Donc, Laura d'un côté, Coralie de l'autre côté. Ouais, on ne se connaissait pas du tout. On s'est toutes retrouvées autour d'une table avec des empanadas pour que les filles découvrent le resto, qu'elles puissent en parler si jamais ça leur plaisait, etc. Et on ne s'est jamais lâché. Voilà. depuis décembre 2017, du coup, on a fait pas mal d'aventures ensemble. On a développé tout le resto. et tout ce qu'on peut faire autour du restaurant sur Instagram. Mais donc depuis décembre 2017, enfin la page Grenoble Foodie existait déjà ou pas du tout encore ? Non. Ah, c'est venu après ? Oui, d'abord on avait nos comptes perso, donc on a commencé à faire des événements avec la Mesa où on a réuni des abonnés. On a aussi fait des concours sur nos comptes perso et après quand on a vu que ça prenait et que beaucoup de gens se sont mis à nous dire ça serait bien que vous fassiez un guide, quelque chose, c'est là où on a commencé à réfléchir avec Coco. Donc en avril 2019 au final. Ouais, c'est ça. Et c'est là où on a créé Grenoble Foodie. Donc avant on était vraiment sur nos comptes perso où on partageait toutes nos adresses food et c'est là qu'est né Grenoble Foodie il y a peu de temps finalement. Ouais, ça a été super rapide au final. Oh, ça va faire un an quand même déjà que là. Oh, bientôt. Ça va bientôt faire un an. Quelques 10 mois, ouais. Vous allez bientôt fêter les 1 an de Grenoble Foodie. Oh. Et donc, pour ça, on est ensemble pour une nouvelle chronique. Et vous allez donc me présenter un petit peu plus en profondeur, on va dire, le restaurant La Mesa. Et juste avant, je coupe la parole parce qu'on a Alexandre qui nous écoute dans le TGV. On le connaît très bien toutes les trois. Donc, on lui fait des gros bisous. Merci à toi, merci Alex. Merci, Alexandre. Ah, moi, je lui fais un gros big up. Mais après, si Alex veut des bisous, je lui ferai des bisous. Il y a pas de allez, bisous d'Emeric. Bisous d'Emeric, c'est parti Alex. Bon allez, je vous laisse me présenter le restaurant. Alors, donc du coup, pour cette première rubrique, on voulait vous présenter La Mesa parce que tout est parti d'elle, donc d'Amélie et Anatole. Et ça fait 2 ans qu'on n'arrête pas. Donc Amélie, on t'écoute parce qu'aujourd'hui, c'est grâce à toi qu'on est là. Donc si tu peux nous parler un peu plus de ton histoire. Alors du coup, ce resto, il est déjà situé dans Grenoble, il est rue Saint-Laurent, donc juste après les quais. C'est un resto qui est vraiment à notre image, donc c'est du fast-food, mais avec des produits hyper locaux, des produits hyper frais. On est ouvert du mercredi au dimanche, que le soir, le dimanche aussi. Ça fait partie des bons plans Grenoble Foodie qui sont ouverts tout le dimanche. Tout à fait, les coups de cœur. Et ce resto, c'est vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, on le vit à notre sauce. C'est quelque chose d'assez cool, d'assez cosy, c'est comme à la maison. Et voilà, c'est un projet qu'on a fait grandir tous ensemble. Donc ce projet d'Anatole et moi... On l'a vu grandir avec les filles, avec tous les conseils des filles et tout ce qu'on accompagne derrière. Et voilà. Et du coup, en plus, vous avez ouvert un deuxième, an après. C'est qu'avec toute cette force-là qu'on a reçue, en étant sur les réseaux sociaux, avec la clientèle qu'on a eue et le soutien des filles notamment, on a ouvert un an après donc la Materia. Donc aujourd'hui, on a 2 restos. Celui-ci, il est Place Championnet, juste à côté. Et pareil, c'est un resto, on retrouve de la cuisine argentine, de la vraie cuisine de maman, parce que c'est ma maman qui s'en occupe. Donc voilà, c'est vraiment hyper cool et on est super contentes tous, avec les filles aussi, de pouvoir vivre cette aventure au quotidien et de partager tout ça avec tout le monde. C'est ça. Alors moi, juste avant de vous laisser poser vos questions, j'avais une petite question pour toi. Comment est-ce que la cuisine est arrivée dans ta vie en fait ? Parce que souvent c'est par passion, souvent on fait de la cuisine depuis qu'on est tout petit, mais aussi des fois on aime la cuisine et puis on a un déclic un jour et on ouvre un restaurant. Moi je voulais savoir comment ça s'était passé pour toi. Moi j'en rigole maintenant et je me dis on bosse beaucoup, hein. C'est vrai qu'avoir 2 restos c'est un sacré challenge et je me dis j'en paye les frais de mes décisions d'il y a 10 ans, donc quand j'avais 14 ans. Fallait choisir son orientation pour le lycée, etc. Et je suis très têtue. Et j'ai dit à ma petite maman, je veux faire de l'hôtellerie-restauration. Donc elle m'a dit, incroyable, bon, ok. Je visais plus vraiment sur la partie service-hôtellerie. Et c'est là-bas que, pendant mes études, que j'ai rencontré Anatole. Donc on a fait nos années de lycée ensemble. Lui était en cuisine, moi j'étais en salle. Ensuite, j'ai continué mes études. Et une fois que j'ai fini mon BTS en gestion management hôtelier, c'est là qu'on a commencé à réfléchir sur ces projets-là. Avec Anatole, initialement, on travaillait surtout dans le luxe. Donc, arrivé à Grenoble, c'est vrai qu'il y avait un peu moins de choix qu'à Paris. Et voilà, on avait un peu fait le tour des établissements qui nous intéressaient ici et est venue l'opportunité d'avoir notre resto. Donc, il faut savoir qu'on s'est autofinancé. On a fait les choses vraiment au fur et à mesure, avec nos petits moyens, tout ce qu'on pouvait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la Mesa, c'est vraiment quelque chose qui nous tient énormément à cœur parce qu'on a tout construit, en fait, avec le temps, avec nos petits moyens. Et on est super contents, justement, que toutes ces décisions qu'on a prises super jeunes, on est encore jeunes, hein, mais on en profite vachement. Et voilà, de devenir entrepreneur, ça fait un peu plus de 2 ans qu'on a le resto maintenant, l'ouverture du deuxième. Donc c'est assez cool qu'on puisse vivre un peu notre petit kiff au quotidien. Eh ben, j'espère que ça va durer encore longtemps, ouais, et le plus espère. Longtemps possible. Je vous laisse le micro, je vous laisse aller. Moi, je fais présenter. Une petite coupure pour dire qu'il y a Manon qui nous fait des bisous. Alors Manon, on t'embrasse. Merci Manon. Et moi, petite question à Amélie, explique-nous ce que c'est les empanadas. Alors nous, les empanadas, le temps, bon. On a les plus grosses mangeuses d'empanadas sont autour de cette table. J'ai le record. Ouais, Lolo a le record. J'ai le record, 12 empanadas. Qui battra ce record? Il faut savoir qu'il en faut 3, 4, 5 par personne normalement pour un repas. Donc 12, c'est vraiment pas mal. me chauffe pas. Ah, Emmerich, on va être obligé. Hein. Attention. Est-ce que je vais en manger 13? Ouais, mais j'en mangerai 14. Et ben vas-y, du coup, explique-moi ce que c'est des empanadas. Alors, du coup, les empanadas, c'est un petit chausson qui fait, voilà, ça fait la taille d'une petite main, en fait. Et à l'intérieur, on y met un peu ce qu'on veut. Donc, dans toute l'Argentine, il y a plein de recettes différentes. Nous, vu qu'on a pris la décision de travailler qu'avec des produits locaux, ben, on va faire des recettes à la viande, au poisson, au fromage. Donc, on essaye de faire au plus proche possible avec tous les producteurs qu'on a ici. Et voilà, donc on propose toujours 5-6 recettes. Après, il y a un peu de tapas pour les accompagner aussi. Et tout ce qui est boisson, on essaye de faire soit du local, soit des choses qui viennent d'Amérique du Sud. Donc, c'est assez cool. Ah, ça vient d'Amérique du Sud, hein, quand ouais. même bah, Argentine ouais. Il faut bien évidemment. Du bon vin argentin, de la bonne bière argentine, ça passe très bien avec les empanadas. Les c'est empanadas, ça. J'en ai jamais mangé, je crois. C'est de la tuerie. La prochaine, on t'en ramène. Ouais, carrément. Non, t'iras au resto, c'est ouvert le dimanche soir. Et puis j'en mangerai 12. Non, allez, 13. Il faut battre le record. Mais plus que 13. 12, franchement, tu m'as dit la taille d'une main, j'ai regardé ma main, je me suis dit 12. On en reparlera. Ça fait quand même beaucoup. bah allez, vas-y, je vous laisse continuer. Si vous et du coup, ouais, vraiment, ce qui est le top, en fait, il y a deux ambiances différentes. T'as deux restos, donc ouais. T'as la Mesa qui est plus en mode, comme tu disais, fast-food, où au final, tu peux emporter à la Mesa. Carrément. Tu peux emporter les empanadas, et nous, c'est vraiment aussi ce qu'on adore. Donc, de temps en temps, vous êtes sur des livres aussi, etc. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Je me suis perdue. Et que oui, en fait, vous pouvez venir vraiment entre potes aussi sur place. Il y a des petites tables, vous pouvez manger, etc. En famille, c'est vraiment cosy. Et c'est chaque soir, donc de mercredi soir jusqu'à dimanche soir. Est-ce que vous avez aussi des petites, je sais pas, des petits concerts ou des petits... Ça peut arriver. Alors la Mesa, c'est ce que je disais, c'était avec nos petits moyens. C'est un petit resto. C'est vraiment très cosy, très proche. Les tables peuvent être à partager aussi. Après, on fait des événements extérieurs. C'est arrivé qu'on fasse, par exemple, des tangos dans la rue. Donc, c'est assez cool. Et après, on favorise vachement la materia. Donc, pour le deuxième resto, on a fait un peu plus grand quand même. Bien sûr. Il fallait pousser les murs. Et du coup, là-bas, on retrouve souvent des concerts. On a pas mal de monde qui bouge. Il y a beaucoup d'animation. Et ça reste toujours en accord, justement, avec notre culture. Donc, on retrouve pas mal de tango, du folklore argentin, voilà. Ok, bah ça fait déjà et du partage, pas mal beaucoup de choses. De partage. Ouais, il y a des gens, ils vont manger tout seuls. À la fin, ils sont amis avec les 6 personnes d'à côté. Et c'est ça qui est cool aussi. Bah ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est ça qui est beau. C'est... Parce que moi, je vais souvent manger tout seul n'importe où, comme ça. Et c'est vrai que je ressors... Enfin, ce que j'allais dire, c'était un petit peu... Je ressors jamais tout seul. On mais, veut pas mais c'est vrai qu'on rencontre toujours des gens bien sympas un petit peu partout sur Grenoble. Est-ce que tu as d'autres questions à poser, d'autres Eh ben écoute, non, on est plutôt pas mal. Bah, j'espère que ça a été clair. En tout cas, il faut venir tester donc la Mesa et aussi la materia. Vous pouvez retrouver des petites photos à quoi ressemblent en fait les empanadas, juste pour vous donner faim, parce que là, il est 18h, donc on a un petit creux quand même. Donc sur Grenoble Foodie et aussi sur le compte de la Mesa Grenoble. Voilà, sur Instagram et sur Facebook. Et donc, si vous voulez tester la Mesa, rendez-vous à partir de mercredi. Alors, je précise juste la Mesa, L-A-M-E-S-A. Juste un seul S hein, sur le compte Instagram. C'est ça. Et ben, merci à vous. En tout cas, vous nous avez donné bien faim. Et est-ce que vous avez d'autres bons plans à nous partager que ce restaurant qu'est la Mesa? Alors là, j'ai juste un petit coucou à Anastasia qui nous fait un message sur Grenoble Foodie et qui nous dit qu'il nous écoute. Donc, trop bien. Et ben, on te remercie et on te fait des bisous. Alors, et au plaisir de se croiser merci. Dans Grenoble. Ah, c'était un petit message subliminal là, non? Bah écoute, moi j'adore. Franchement, les gens, on en croise plein dans la rue et c'est toujours c'est un plaisir. C'est ma cousine. Ah, mais c'est la cousine de toi. Je me disais Anastasia. Bah, attends, mais je connais. Salut, cousine. Et bah coucou, la cousine de Coco alors. Allez, je vous coupe. Il me semble que vous avez un truc prévu ce soir. Oui, alors ce soir, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire ? On va au Grenoble Comedy Show. Qu'est-ce que c'est le Grenoble Comedy Show, Coco ? Eh ben, du coup, c'est un peu le Jamel Comedy Club de Grenoble. Donc, je ne sais pas si vous saviez, les auditeurs, mais on a vraiment ça à Grenoble. Et c'est une scène qui est tous les mois, donc une fois par mois, tous les premiers mercredis du mois, où vous allez retrouver entre 4 et 5 artistes grenoblois ou vraiment de la région qui font des sketchs avec des petites pubs, entrecoupées de sketchs et vraiment dans une ambiance conviviale, etc. Et on y va ce soir. Voilà, et il y a des artistes confirmés et d'autres qui sont en rodage, donc ils viennent tester des sketchs et... Franchement, c'est un super moment et c'est mené par Mickaël Biesch. Ouais, exactement. Et du coup, on y va ce soir et puis bah, vous pourrez retrouver tout ça sur nos stories Instagram. C'est ça, et dans l'agenda aussi sur notre site grenoblefoodie.com. Point com. Tu m'as fait douter du coup, mais j'ai été oui, surpris c'est par le point com. Je m'attendais à .fr et j'ai entendu .com. J'ai dit, oh, un site qui s'étend à l'international. Que c'est Grenoble est tourné vers l'international. Exactement. En tout cas, merci à vous, hein, les filles, pour cette rubrique. Est-ce que vous avez d'autres bons plans à nous partager pour Eh bien, écoute, du coup, on va se retrouver, nous, deux fois par mois. Exactement. Donc, dans ton émission, Aymeric, d'ailleurs, merci de nous accueillir. Bah, merci à vous, ça me fait très plaisir. Et du coup, voilà, on les se prochains retrouve bons dans plans. 15 jours et on parlera de food et le reste, eh ben, il faudra nous écouter. Je laisse Surprise. Le suspense. On sera justement, on sera que tous les deux. Eh ben, Coco part en voyage, donc... Ouais. Je pars au soleil. Va falloir supporter Lolo. Mais on va envoyer du lourd, on va rigoler. Elle s'est dit, la chronique, elle commence, j'en fais une et après je pars en vacances. Allez, mais non, Lolo, elle va assurer, j'en suis ah, sûre. De fou, vous n'êtes pas prêts. Team de choc. On va assurer, en tout cas, on va parler mode, on verra si je suis calé mode. Oh, il a balancé mon teaser. Mais tu l'as dit, on va parler mode et food. C'était un secret. Bon, alors on parlera mode et food, soyez au rendez-vous le 18 mars. Elle l'a dit. Tu l'avais pas dit déjà ? On adore, ça commence bien. Mais c'est bon, au moins ils le savent. Ils sont taqués, ah, l'erreur. Oh, ils sont au courant. Et dans 15 jours, dans la bonne humeur. Merci, Aymeric. Je vais me faire frapper juste en rentrant, mais c'est pas grave. Je suis désolé d'avoir révélé ce secret qui était aussi, aussi important. Mais tu vas adorer, on va te relooker, je pense même. Tiens, tant qu'à faire. Ouais, mais fallait pas le dire ça non plus. Non, mais j'ai autre chose encore en réserve c'est pour bon, lui. En tout cas, on se retrouve donc dans deux semaines à partir de 18h, comme d'habitude. Merci à toutes les trois d'être venues. Est-ce que vous voulez une petite dédicace, n'importe quoi ? Moi, je vais faire des gros bisous à ma petite maman. Bisous, maman Mika. Et bah, nous aussi, on fait des gros bisous à sa petite maman. Et puis à nos mamans aussi, tant qu'à faire. À nos mamans aussi, bien sûr. Et bah, moi aussi, je fais des gros bisous à ma maman. Parfait, c'est mignon. On conclut comme ça. Et on repart en musique sur les ondes du 101.2. On va repartir avec une nouveauté. Tiens, on va s'écouter un petit joker, c'est Ne pleure pas. On se retrouvera bien sûr avant 19h pour clôturer cette émission. Et puis on se retrouvera pour la chronique Grenoble Foodie dans deux semaines. Restez branchés sur News FM. Écoute ce titre.